Chapitre 51. Chacun son tour. Paulin Broquet et Gabriel obéirent. Vous étiez les assesseurs de cet homme. Peut-être, abusé comme beaucoup d'autres, avez-vous cru en lui? Vous avez fidèlement continué votre service. Zygomar ne vous en veut pas d'avoir rempli votre devoir auprès d'un autre. Il ne vous en garde aucunement rancune. Mais c'est vous, vous deux, qu'il charge de l'exécution de votre ancien maître. C'est vous qui allez le remettre aux mains de Paulin Broquet. L'un et le deux alors s'avancèrent jusqu'à la tribune. Les assesseurs en cagoule rouge leur remirent le prisonnier pantelant, défait, anéanti. Ils le saisirent par les bras pour le soutenir, car non seulement il se trouvait dans l'impossibilité de faire un pas, mais encore il se serait écroulé par terre. Zygomar alors reprit. Dans un des salons des patates, dans la fourgue, aux alentours de la baleine, il y a des broquets qui sont à l'affût. Il y a même le grand Paulin Broquet en personne. Toute la broquetterie est là, qui nous guette, qui attend une proie. Puisque ce misérable nous a vendus, eh bien c'est lui. Lui qui, par un juste châtiment, lui seul, qui sera jeté en pâture aux policiers. C'est sur lui que retombera le poids de la trahison. Il commanda aux un et aux deux, remontez cet homme, que Zygomar chasse de son sein, qui rayé à jamais des aides. Allez le jeter où vous voudrez, comme une chose infâme. Paulin Broquet saura bien le ramasser. Allez. Le un et le deux, alors, comme le prisonnier, véritable locumène lamentable, semblait sur le point de perdre connaissance, cessèrent de le soutenir pour l'aider à marcher. Ils le prirent par les épaules, par les pieds, comme on relève un blessé, un cadavre. Ils emportèrent le malheureux. « Laissez passer !» cria l'orateur. « Laissez passer la justice de Zygomar !» Devant les exécuteurs, les aides, silencieux, haineux, la bouche close, mais consentés à leur pleine de malédictions, les yeux farouches, les aides ouvrirent leur rang et formèrent une haie sinistre, au milieu de laquelle défila lentement le hideux cortège. Puis, quand le 1 et le 2 furent sortis de la salle des séances, la foule des aides ferma cette haie d'épouvante, referma son bloc compact. « Mes amis, » dit Zygomar, « assez de tristesse, de rancœur, de dégoût. Justice est faite. Que l'exemple demeure, mais que l'oubli de cet homme arrive. Maintenant Zygomar va vous montrer que sa venue ici est le retour de la joie, et comme l'aurore des jours heureux. Vous allez passer tous devant ceux de mes amis qui, ce soir, sont mes assesseurs, et vous emporterez quelques pièces d'or. C'est le cadeau de bienvenue de Zygomar. » Un cri de joie, de triomphe, d'enthousiasme fou, éclata comme un coup de tonnerre qui se répercuta, se répétant 100 fois dans les galeries, dont il réveilla les échos endormis. « Vive Zygomar !» Et la distribution de la manne dorée commença, et le chant, de tous apprécié, des pièces d'or remuées se fit entendre, et la perspective de fortes lampées, d'orgies fantastiques, fit bondir le cœur de tous ces bandits. Le un et le deux montèrent, non sans peine, leurs prisonniers par l'escalier de pierre. Paulin Broquet ouvrit la trappe. Gabriel l'aida à sortir le prisonnier, maintenant évanoui. Ils le disposèrent sur la table du cabinet où donnait la trappe. Gabriel, ayant enlevé sa cagoule noire, se rendit dans la fourgue. Il fit signe à deux hommes de la brigade qui attendaient là un ordre, une consigne, tout en jouant aux cartes et en buvant de ces innommables boissons que le père Fricard versait à ses clients. Comme chaque soir, il y avait un guitariste et une gouailleuse qui chantaient la dernière romance sentimentale. Au refrain, tout le monde reprenait en chœur. Ce refrain disait, en parlant d'une gigolette emportée par la phtisie, il disait ce refrain dans sa navrante poésie. « Moi, je l'aimais, elle m'aimait tant, qu'on a jeté dans une fosse, avec les feuilles du printemps, les 16 ans de ma gosse. » Et tout en chantant cela, les larmes venaient aux yeux des pierreuses misérables, des mégères terribles, des clients épouvantables de la fourgue. Ils pleuraient, ces malandrins, au malheur en musique d'une pauvre fille morte à 16 ans d'avoir trop aimé. Cela dénotait un cœur sensible, mais sans le moindre scrupule, ces mêmes individus aux âmes larmoyantes plantaient dans le dos d'une pente leurs couteaux, dont sur les tables de la baleine, ils vérifiaient le fil, tout en chantant avec un sentiment douloureux qu'on avait jeté dans une fosse, avec les feuilles du printemps, les 16 ans de ma gosse. Et cela est bien caractéristique, c'est bien un faubourg parisien, c'est bien apache. De la sentimentalité et le besoin de tuer, de la sensiblerie et de la cruauté implacable. Gabriel fit signe à ses deux broquets, qui, sans éveiller l'attention de leurs voisins, se levèrent, quittèrent leur table, et vinrent le rejoindre dans ce cabinet des patates que nous connaissons. « Vous allez, leur dit Paulin Broquet, vous charger de cet homme. Emportez-le dans un autre salon. Il faut qu'on ne le voie pas. Ici, dans un moment, ça va être envahi par les aides. La séance finie. Réveillez-le, habillez-le comme vous pourrez. Enfin, jetez-le dans une voiture à nous, et vous lui ferez donner une cellule au dépôt. » Puis, Paulin Broquet, ayant donné ses ordres, reprit son rôle de un, Gabriel passa à nouveau sa cagoule. Tous deux redescendirent et arrivèrent dans la grande salle au moment où la séance finissait. Zygomar, avec son conseil, était parti. Seuls les deux assesseurs se trouvaient encore là et achevaient de faire la distribution de louis aux aides. Les affiliés, heureux, exultants, alors se dirigèrent vers l'escalier de pierre pour se retirer. Le 1 et le 2 les laissaient passer devant eux. Les aides, selon la consigne, pour ne pas donner l'alarme, ne pas se trahir eux-mêmes, ne pénétraient pas directement dans la fourgue. Ils franchissaient le couloir, comme nous le leur avons vu déjà faire, qui conduisait à la petite cour d'où l'on gagnait les ruelles menant par un petit détour à la rue Jonasse, c'est-à-dire à la baleine, où se débitait de l'alcool effroyable, du vitriol. Quand le dernier zède fut passé, le 1 et le 2 commencèrent à enlever les lampes à acétylène, à tout ranger, comme il était du devoir des assesseurs, comme l'eussent fait ceux dont ils avaient pris la place. Les assesseurs rouges, eux, avaient, après la distribution des louis de bienvenue, disparu comme Zygomar et les membres de son conseil. Cette fois également, Paulin Broquet, qui s'était posté en haut de l'escalier de pierre pour le défilé des aides, pour tâcher de voir parmi eux ceux qu'il soupçonnait d'avoir figuré derrière le tribunal suprême de Zygomar, c'est-à-dire Thumbtweak et ses compagnons, Paulin Broquet eut la grande surprise de ne reconnaître personne.